J'arrive à une intersection qui comporte un stop. Je sais déjà que je devrais m'arrêter à la ligne de stop pour céder le passage aux usagers de l'axe prioritaire. Devant la ligne de stop est tracé un passage pour piétons. Si un piéton traverse, je dois lui céder le passage, donc je m'arrêterai avant le passage dans la situation 1. Mais dans la situation 2, aucun piéton n'arrive. Inutile de s'arrêter dans une position où je ne verrai pas les voitures arriver. Il est d'ailleurs à remarquer que même si le passage pour piétons n'était pas tracé, il faudrait laisser traverser le piéton. Réponse A, C,